Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de l'Antichambre. Bienvenue sur les 105.9 de Radio Hellebore. Et ce soir, nous ne sommes pas un, ni deux, ni trois. Nous sommes cinq, le club des cinq, l'Antichambre au complet. Bonsoir messieurs, bonsoir Winey Not. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et bonsoir toute l'équipe de l'Antichambre. Bonsoir Notibi. Yes, bonsoir à tous. Bonsoir LBR. Bonsoir. C'est un peu loin. Et puis RDECO Plus. Bonsoir à toutes et à toutes. On n'a pas l'habitude de l'entendre avec nous. Donc voilà, puis moi c'est l'oncle Blême, bien sûr. L'oncle Blême. L'oncle Blême. Blême, il y a un Blême. Donc voilà, une émission un peu spéciale. On va passer chacun notre tour derrière les platines. C'est l'Antichambre Selecta ce soir. Tout à fait. Et tu vas lancer les hostilités. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir? Moi, de mon côté, je vais être un peu worldwide, d'une certaine manière. Je vais présenter, je pense, un petit truc de jazz antillais. Une petite nouveauté qui s'appelle Côté Jazz, je le présenterai tout à l'heure. Mais pour commencer, alors peut-être on peut dire, je sais pas, notre breaker, qu'est-ce qui va nous passer ce soir? Ah écoute, moi j'ai pas encore prévu. Qu'est-ce que tu me prends comme ça là? Je te prends le cours. RDECO Plus, qu'est-ce qu'il a prévu? Alors moi d'habitude j'aurais plus passé de la funk soul rare groove, mais là je vais passer du hip-hop. Et voilà. Je crois qu'Albert a aussi une petite sélection hip-hop. Oui, je pensais ça, Albert. Non, moi je vais me contenter de vous présenter les deux derniers 45 du célèbre Bacao Rhythm and Steel Band. De Hambourg, les affiliés au Mike Timo Cambos. Exactement. Voilà. S'il a le temps, il passera une grosse exclusivité. Il a intérêt d'avoir le temps. Elle a intérêt à être grosse. Elle est énorme. Allez. Bon, super, le programme est ainsi lancé. On va commencer par le premier morceau que j'ai envie de vous présenter. Et je suis allé chercher en Australie. Voilà, un groupe qui s'appelle Shaolin Afronauts, qui est un mélange de funk, d'afrobeat, voire même avec limite avec quelques relents hip-hop par moment, mais c'est très funky et afro, pas afrobeat, mais musique africaine. Donc ça s'appelle Shaolin Afronauts et le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Brooklyn, donc voyage entre l'Australie et New York. C'est parti. C'est parti sur les 105.9 de Radio Hellebore, vous êtes toujours dans l'antichambre. Thank you. To make a long story short, I was born for this long walk. Doing what I'm going to talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk. See, I don't really yap a lot, I rap a lot. No ghetto boy, but I never had a lot. Attitude that Panthers got, the baddest cancer when I rock. My mic's like a Glock that just mad a massacre. The mathematics average, bruh, scan the venom amateurs. They barely back it up and rarely man it up for nothing, man. You frontin'. Fairly calibers like us, not only tell you that it sucks, but we merely give up. Yup, I'm in my zone now. Heavy tone is like a stone from my own throne bow. Start a revolution like Mao. Make 100,000 and be out on the owl. Chow, literally, cuz victory seems so close. My folks chose liquor and weed, nigga. Sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep. Never get tired of my drive, open eyes. Strive to make the fake, take a break and get the steppin' like Jive. Few years with the message like five. I wouldn't like your shit if it was fried and that was ignorant. Flow stay thicker than a cigar scent. In a tiny room without a window, I dedicate this to my grindy kinfolk. We finally in, yo. Raising bars up, bruh, that's the opposite of limbo. Punch lines like Kimbo. Slice it with the mic device twice, man, this kid's dope. Like that shit that you sniff and smoke. I decline swine and wine, let that shit go. Word is born, cause this world is on some heavy shit. I break it down like the levees did, and spread the message with the letters like a Methodist. I'm trying to be the effervesce that ever kept the pen. Mess with him, mastermind, I'm Einstein on the beat. Masterminds while I rhyme on repeat. My lines sound like the skyline at the peak of the nighttime while you sleep, or the light line moves, I mean the limelight. Who told you Juju was the dude who couldn't rhyme tight? Tell him to step up or shut the F up. Put your flavor in your ears. A must heard, nigga, catch up. On est toujours dans l'antichambre, on est toujours sur Elebor, 105.9 FM. Voilà, une petite, un petit morceau à l'instant, c'était Flo Fields, un beatmaker, je sais plus d'où il vient, mais d'Allemagne ou de Norvège, en tout cas du nord de l'Europe, c'est sûr. C'est sorti chez Jakarta Records. Le morceau qu'on vient de s'écouter, c'était featuring Ivan Ave, et lui, pour le coup, je crois que c'est un Norvégien. Donc voilà, on était sur du hip-hop scandinave qui sonnait bien ricain, en tout cas très boom-bap. Et juste avant, c'était les Shaolin Afronauts, comme je l'annonçais, qui venaient d'Australie. Et là, pour enchaîner, voilà, on va s'écouter une petite perle. J'ai envie de voyager aux Antilles. On va s'écouter une petite perle, un album, une compilation que j'écoute en boucle actuellement dans mon salon, qui est très très belle. Ça s'appelle Couté Jazz, et c'est une compilation de morceaux antillais des années 70. On trouve quelques pépites, comme des groupes comme les Vikings de la Guadeloupe, et d'autres groupes dont j'ai oublié le nom, mais il y a 2-3 morceaux qui sont assez exceptionnels. Et voilà, on va s'en écouter un, que Albert va nous envoyer tout de suite. C'est le morceau qui ouvre cet album. L'intervention de RR. À noter, oui, tu parles des Vikings de la Guadeloupe. Ils sont en ce moment en tournée en France et il y a un nouvel album et un best-of qui sortent bientôt. Tout à fait, c'est prévu là. Je crois qu'ils sont sur Paname en ce moment. Voilà. Et je crois que ça sort sur Heavenly Sweetness. Fat comeback dans les bacs, pour le coup. Ouais. Donc voilà, ce que je vais présenter, c'est Camille Soprane, et je crois que c'est un des membres des Vikings de la Guadeloupe. Exactement. Et c'est magnifique ce morceau, alors voilà, ça va nous donner envie de voyager aux Antilles. Camille Soprane, le morceau, ça s'appelle Les Antilles chéries, je crois. C'est parti, Albert, allons-y. Thank you. anti-chéris, Caribbean darling, les anti-chéris, Caribbean darling, les anti-chéris, Caribbean darling, les anti-chéris, Caribbean darling. Les anti-chéris, Caribbean darling, les anti-chéris, Caribbean darling, les anti-chéris, Caribbean darling. Camille Soprane, c'était sur la compile Côté Jazz. Je vous la conseille fortement et chaudement d'ailleurs, si vous voulez des ambiances caribéennes. Et je crois d'ailleurs qu'on va rester dans les Caraïbes, hein, n'est-ce pas, notre breaker ? Un petit peu, ouais. Je crois que donc ce sera pas moi, mais Elbert qui va commencer à mixer et il va nous présenter les 2-3 derniers morceaux d'un style band qui nous vient certainement des Caraïbes, mais on ne sait pas vraiment exactement d'où, qui est un style band de maintenant, contemporain, qui s'appelle Bacao Rhythm and Steel Band. Alors, ils viennent de Hambourg, précisément, puisque c'est un groupe que... Ouais, tu vois. Des Mactimo Cambos. C'est une extension des Mactimo Cambos. Ouais. Donc, c'est le leader des Mactimo Cambos, un certain Björn Wagner, qui est parti à Trinidad et qui a kiffé sur ce style. Donc, après, il y a une légende sur un vrai groupe Bacao Rhythm and Steel Band des années 60-70, mais je pense que ça, c'est la légende que lui est en train de nourrir. Ouais. En tout cas, ce groupe Bacao Rhythm and Steel Band, il fait des reprises de morceaux hip-hop des années 90. Il y a des reprises de JD, des reprises de je sais plus, de Ja Rule ou DMX, non ? Il y a un truc de high-tech aussi. De 50 Cent. De 50 ouais, Cent, c'est ça, c'est le 50 Cent. Ouais. Il y a aussi des reprises des Meters, donc des reprises et des reprises de Chaka Chas. Voilà, des reprises en mode steel band. C'est très original, c'est très très bien foutu. Et c'est du steel band avec des gros breaks de batterie derrière. Qu'est-ce que Elbert il a prévu comme morceau ? Je crois qu'il y a le Jungle Fever, c'est ça ? Il en parle après. Il y a la Jungle Fever, ouais. D'accord. Bon, on vient nous présenter deux maxi, deux, trois morceaux. Il y aura aussi certainement le morceau de J.D. là, Love Like This. D'accord. Mais bon, il reviendra dessus. Ouais. Il viendra en parler. C'est parti. On reste aux Caraïbes. Steel Band, Trinidad et Tobago via Hambourg. Thank you. permettre celui-là. Donc effectivement les micros sont branchés. Voilà, donc rapidement, bah, en fait vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire je crois sur le Bacao Rhythm and Steel Band. Effectivement c'est une émanation des Mighty Mocambos, donc groupe super funk allemand qui est assez actif ces derniers temps et qui l'est encore plus via justement cette filière Bacao Rhythm and Steel Band. Ils sortent régulièrement des 45, je pense qu'ils ont dû en sortir 5 en 2 ans, et effectivement il y a l'album 55 qui va arriver, voilà, qui vient de sortir tout récemment, donc sur lequel on retrouve tous leurs 45 et puis des nouveautés, des exclus. Donc on vous conseille ça pour les amateurs de steel band, ou moi en tout cas j'ai vraiment découvert le steel band par, enfin je connaissais, mais je m'y suis plus intéressé par l'intermédiaire de ce groupe là. Donc voilà, c'était 2.45 qu'ils ont sorti cette année. Les amateurs auront reconnu des reprises de Faith Evans, de Chaka Khan, des sons aussi à la JD. Voilà, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc je m'attarde pas plus sur le sujet. On retrouve tous les titres sur le site web de l'Antichambre, radio-antichambre.com. Et puis je crois que l'ami Notibi est prêt derrière les platines pour une petite sélection des plus soulful, si je crois. C'est le moment de choper. Une petite interlude un peu soul avant le bon gros hip-hop de Oncle Ben et RDECO+. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ce soir, vous avez vraiment des puits de science musicale. Hein. Yes. Vous avez le top du top qui est réuni dans l'émission. Restez à l'écoute, on est ensemble jusqu'à 22h. La c'est crème du café crème. Parfait, à tout de suite. Notibi au platine. Oh, your heart should realize from where I'm deep. Try to do or die, gotta hold your head. tripping out. I'm tripping out over you, babe. Over you, babe. I'm tripping out. I'm tripping out over you, babe. Over you. Each day I'm not with you is like a day without sunshine. I'm hung up on you, babe. You've become a part of me. You're not like other girls, or is it my imagination? This pounding in my heart, girl, is all because of you. You got me tripping out over you, babe. Tripping out over you, babe. Over you, babe. Let me be your slave because I want to worship you. I'll do anything you say, anything you want me to do. Your knight in shiny armor, standing guard over the love you've given me. You got me tripping out over you, babe. I'm going crazy for you, mama. I'm tripping out, tripping out over you. Come on. Come on. Sinto aquela velha alegria que existia de maneira tão normal. Não está, não, não consigo achar. Talvez esteja no meu peito, ou então esteja em qualquer lugar. Qualquer sujeito tem a sorte de pensar que a alegria tá no ar. Tá no fundo do mar, tá no teu olhar, tá nas mãos de quem conseguiu lutar. A beleza do amor pra quem dá valor, e não há razão pra dizer. J'ai senti de l'amour dans ce mix, Note Breaker. Ouais, ouais, bah y en avait. Ça terminait en brésilien, là, c'est ça? Ouais, ça termine en brésilien. On a eu quand même quelques gros classiques, pas trop de nouveautés en fait, hein. Plutôt des classiques. On a commencé d'abord par un petit Eddie Kendrix avec le Intimate Friends qui est magnifique, qui est un morceau vraiment magnifique. On a ensuite enchaîné sur un mini Riperton avec le Baby This Love I Have. On a eu un Latimore avec Are You Where You Wanna Be, on a eu un petit Curtis Mayfield, et puis on a fini sur un petit morceau brésilien de Rosanna. Ouais. Et voilà. Le Curtis Mayfield, le Tripping Out, hein, j'adore ce morceau, ouais, il est magnifique. Il est terrible, ouais, c'est clair. Super, merci Nutbreaker. Je crois qu'on va enchaîner. On parle d'un événement qui va avoir lieu fin mai. Je crois qu'on voulait en toucher un mot. On aura peut-être plus de détails dans les semaines à venir. Mais sachez que fin mai, l'événement Urban Jam sera de retour à Chambéry. Plus précisément du 18 au 28 mai. Donc ça sera sur une dizaine de jours, de week-end entier, au programme des apéros mix dans plusieurs petits bars de la ville. Un concert à la soute, deux DJ sets au Brin de Zinc, au Brocard Café, une séance cinéma à Curial. Que dire de plus si ce n'est que le programme sera disponible très prochainement sur le site Antichambre, sur l'antenne des Débords et bientôt en ville dans toutes les cases d'Allery. mais pas que. mais pas que. Mais voilà, juste simplement, je voulais juste rajouter voilà, qu'on a comme une belle affiche, il y a des belles têtes d'affiches internationales, donc on n'en dit pas plus pour l'instant, on va laisser monter la sauce tranquillement. On précise que c'est en partenariat avec Radio Les Bords et qu'on va investir un peu tous les lieux intéressants de Chambéry. Voire même des alentours, le Biroc, le Brin de Zinc, la Palette, le petit bar du marché, effectivement on s'étendra jusqu'à Drumettaz pour aller du côté du Fut Chouette, mais restez attentifs, écoutez l'antichambre, écoutez Radio Les Bords, il y aura des infos régulièrement qui vont être distillées. Parfait, merci. On va continuer maintenant en mode voilà, il reste une vingtaine de minutes. Air Déco Plus est derrière les platines et il a prévu une petite session un petit peu plus vitaminée. Plus hip-hop, rap, on va le laisser parler avec ses doigts. C'est parti, Air Déco Plus. Et après, il y aura Oncle Ben pour terminer cette émission. You better hit him back. So when I hit the nigga, I go blam. The nigga out of line. Back when I was about big wheels and racetracks, Pop pushed the tornado and rolled to 8 tracks. Never stood a chance, exposed from way back. Lying to the baby, saying it's Ajax. I was about 4 when I walked past that door that should have been closed where I first witnessed the raw. See, in my household, it was quite unique. Playing hide and seek, you might find a key. Caught glimpse accidentally. Branded my mental, pals my role model in that Lincoln Continental. Bought all my friends Icy's. It was about 6 and when he pulled off, I was like, see, told you we was rich. How I turned out, let it be no surprise. When they speak of cousin Ricky, it brings tears to the eyes. See, my family got a history of hustlers. Little brother, big brother, mother, the grandmother in tradition. When I was a young boy, my mama always told me don't take no shit. Motherfucker hit you, can't get better. Coming, my daddy was there. What's my excuse? Cartoons were the root. Started with Yosemite Sam with a gun in Palma Vitan. What couldn't I demand? See, 13, studied a gangster's lean. Low brim, no smile, lot of cash meanwhile. Daddy had the Chrysler Fifth Avenue. Hustlers on the blocks, cars were aerodynamic. With ghetto paint jobs, Mango M3s on 17-inch BBs, riding tough. The bike was huffy, attention was froze. In a 25-cent frozen cup laid my soul. The streets had made the mold. Since 14, holding, Pusha T was chosen. Rebel like Che Guevara. RC Tyco versus Carrera's pick. When I was a young boy, my mama always told me don't take no shit. Motherfucker hit you, can't get better, hit him back. So when I hit the nigga, I go blam. tank. White man spend money like a black man. Make a little bit of sense cause I'm an Italian. In other words, before I get my first check, I'm thinking about a Cadillac and something fat around the neck. Fat gold chain like Schooly D. Throw some shades on it, ain't no one as cool as me. Desmond Decker, he ain't even as rude as me. And he's a rude boy, so that tells you how rude I be. See, if I was a bank robber, I'd devise some type of plot that would outsmart the coppers. Robotic attack counts that I started and trained on command to stick balls like Chopper, like Chopper. In the movie Stand By Me, roll like Morgan Freeman in the movie Lean On Me. Kinda always thought I'd die young like River Phoenix or Lou Diamond Phillips in the movie La Bamba. King of Space, Space, a new musical genre. Once smacked a man with near $500. I got that Caesar style, I got that Caesar style. Told the barber, no, don't touch your partner, don't give me a Caesar style. Is it gay if you give a girl a reach around? It does it all more depend on what you're reaching for. I keep it cooler than the inside of the freezer door. Put a youngin' under the wing like Baby Eagle Hawk. I forget more good rhymes than most rappers have. I forget more good lines than even I have. Let me take a second, write it down in the pad. Let me put it down before I forget. Get rhymes in my head, we're riding the Q diamond. Put them in the book and get them home and we find them. I got a checkered pass, just like a checkered cab. Or someone with a checkered pass driving a checkered cab ride. Yo, started off with a response to what it has been. Yes, y'all, we're back again. We might have met at a show on the road from back when. This goes out to them. We see you too, it's easy too. Since you came on in, welcome, we're about to begin. Momentarily deposit unsparingly a lot of what we've seen. Learned, felt, thought, caught upstream or in a dream brought here. Yeah, ready to rock, yo, why not? Cool, all clear, it's that little bit of goodness. Gracious, take it, run with it, feel it in your heartbeat fresh. It's real brizzy, check the tread on my ties. They wore down from road trips to build up the sound that you're hearing now. Steering clear of confusion, so many irresponsible MCs with popsicle beats. Everyone's a critic, I'm listening to hip-hop so long that my opinion is tainted by memories of golden age favorites. Half the artists that you hear on the playlist, I remember their demo from a cassette tape with hits. I went from being a fan, but then everything that used to be hot cooled down. Now we're back to the start, loving the art. It's a privilege to be a part of it. If you've been feeling low, we hope this lifts up your heart again. Old fellows, whole etiquette and bold letter text with check marks, activate for acting up again. Gold medalists for swinging on bars and menacing addicts, supplying remedies to you medicine addicts. Get fixed and not just a fix, trick solution, extensive grooves for your needle to stick to for shooting up. Once again back, it's the fresh crew you trust for delivering truth and busting with juices to boost you up, improving and producing cuts. Moving closer to God by losing touch with the world like I'm lost in space. What you're about to hear is what we've been waiting to share, but you dare get to come along the way. Hey yo, it's the O-H-M-E-G-A-W-A-T-T-S Omega Watts, live and direct with the brand new song to sing along and pick up where we left off with pure thoughts. Now onto the wrong way. Hey, I'd like to give a shout to the fans and thanks to those listening who don't know who I am. See, it's not about me, but the reason I create a form of praise to my God for grace and length of my days. That I'm living out my passion for beats and rhymes, intelligent placement of samples in my drum lines. Just a little taste of the milestone. We're in a class of our own, about to take it back home. And if you didn't know. This rhyme is mine, and I lived it to give it, so that the new funky nation can get with it. Understand the plan, that's program, for all nations to slam this jam. One nation under a groove was the first move, so now it's time to get with the new funky nation, the new formation. Turn up that bass for more connection. We must get along in order to live long, so keep pumping that booyah song. So maybe then you can understand the game. The gangster draws out the picture to frame in your mind. You think, understand, and learn. You play with fire, you're gonna burn. Gangsta know, cause I've been through. I was looking for something to get into this, into that. Into my pocket I pulls out a gat, cause I'm a hard head and I'm down. This is one MC that they'll be fucking around. Taking care of the issue is what I get into. So now it's your time to step to this jam, to be craved for the new generation. Here, this is for the new funky nation. And it could be better. The new funky nation. Better. Another nation I'm pimping. lyric clip clipping. The bomb is ticking while the hourglass is tripping. Wasted time at the scene of a crime. It was your rhyme that put MCs in line on cue. I can rock a cue in poo. Put your ass on quiet. Send your ass back to old school. Step back while I reach for the rack. Grab my brim and tilt it back. I got to funk this, cause I invented it. Another message from the gangster who's sending it. Let it be a lesson for those who don't know. Soldiers, packs the old. Tell them who's old. One mouth's the bass who can fuck a show. Hang a empty off the cliff and let him go. We can get to it, do it. Play rush and rule it. Show us the trigger and we pull it. No time to waste, what's upon the mic? So what you think, Brent? This is for the nation delight. All together, we must come as one. Turn up the drums. Jealous can't get none of Godfather K.O.D. EKA Roscoe the Rid and the O makes the other tray. So here's your invitation. This is for the new funky nation. Il nous emmenait loin la R de Coupus, hein. Ouais, back in the days. Dans les années 90, voire 2000. Alors dans l'ordre, il y a eu Clips, Quakers, qui était un peu plus récent, Lighted It, et puis pour finir, Booyah Tribe. Alors ça, c'est bien 90s. Ça, c'est hyper 90s. Je me demande si c'est même pas 88. C'est possible. C'est bien improbable, ça. Ouais. Et ils ressemblent. Ils viennent d'où, les gars? Californie, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Booyah Tribe. Booyah Tribe. Lighted It, c'était le crew d'Omega Watts, Portland. Voilà. Quakers, c'était le groupe de Jeff Barrows de Portishead, en fait, qui avait monté ça, un super groupe avec plein d'intervenants. Eclipse, c'est un groupe produit par les Neptunes, un album sorti en 2001. Merci RDECO Plus pour cette petite sélection de Derrière les Fagots. Un petit calembour pour terminer? Pas là, non, pas sur commande. Non, voilà, c'est pas sur commande. Par contre, t'es le bienvenu quand tu veux, RDECO Plus, pour nous faire des petites sélections hip-hop, soul, funk ou ce que tu veux. Ça marche. Parfait. On va terminer. Moi j'insiste, RDECO Plus, et j'espère bien qu'on va te revoir plus souvent que ça dans l'émission. Ouais, d'accord. Je valide et je veux aussi Michel Platine qui revienne de temps en temps aussi. Tout à fait. Là, par contre, il va falloir sortir les petites valisettes avec des comptes bancaires au Panama. Hein. C'est ça. Ah bon, on n'avait pas parlé de ça. Voilà. Il faut suivre un petit peu l'actualité. L'Antichambre Papers. Il reste une petite dizaine de minutes et je crois que Oncle Ben, qui s'était autoproclamé entre Oncle Blem, va partir au Canada. Il va nous présenter un producteur qui s'appelle Jeroen Bombay. Ah, il va pas nous le présenter parce qu'il nous l'a déjà présenté bien souvent dans l'antichambre. C'est un peu il y a quelque chose entre deux. Ouais, il y a une connexion qui s'est faite. En tout cas, l'oncle Ben, c'est notre expert 45 tours, c'est notre expert nouveauté hip-hop indépendant. Et effectivement, il a de la nouveauté. Ça nous vient du Canada, ça nous vient de Jeroen Bombay. Donc on s'écoute ça tout de suite. Dans l'antichambre sur le 105.9. J'allais dire, je crois qu'il y a même un morceau qui est encore pas sorti. Il a l'exclu total. Ouais, et en vinyle en plus. Symphony. We lost on that. The symphony. I went to the symphony. I don't care who's first or who last, but I know that y'all just better rock this at the drop of a dime, baby. Some people call me box. I've been too nice, too long. Shantae, you know you're part of the staff. Get on the mic. Hey yo, you lost in the sauce, bitches still remain useless. But when I rain, bitches can't sustain the drama. Word to mama, bitch, I leave you leaking. Roxanne, Shantae, stay creeping. You're sleeping, but I stay armed and dangerous. No matter what your name is, bitch, I'll make you famous. A lot of bitches swear shit sweet, but when I creep, I'ma lace you from your head to your fucking feet. Put me on, so I'm back again. Ain't nothing changed, it's still the same. Ain't no smiling friend. I remember 87, 88. I was the only one getting weight from upstate. Getting cake, Juice Crew, All Stars was my boys. Running around town, baby, making mad noise. Backtrack, turn back the page. Live on stage, wrecking niggas at an early age. I was only 15, thinking big time. At the time, wine, all my eyes saw was gold mine. So all you fake Cristal sipping bitches, here's a 38, bitch, click it. Tu comment le dis, dis-moi, pourquoi nous l'as-tu repris, réponds-moi. Party people in the place without further ado. Get on the mic for the simple move. Hey, hey, hey, I'm the M of the A. Igor, Arva, the U's, the R is the K. I don't have a big mouth, just a lot to say. So listen to my rhythm and rap display. Okay, I'm out the mic to the T. G.O.P. And every record that I make history. Like, ow, and Owen Juice is some of the things that I used to do. But right about now, I got a different flow. I ride from New York City to Mexico, from England, Australia, back to Japan. They know I'm Mr. Magic, cool with the mic on my hand. So, you know, I got my rhymes in Muhammad Ali. That's why my name rings bells internationally. Never neglected, well protected as an MC Jet. I'm super duper with the rhymes I invent. Big Daddy Kane, you know you're part of the staff. Get on the mic, get on the mic, goddammit. Get on the mic on my behalf. Tell me what you see in the vectorize when you check your eyes, baby. Recognize it's the rawest chump to make the verse in the chorus bump. With rhyme skills to be retarded like Forrest Gump. Now feel the pain running through your chest area. Thoughts of the attack, it got you fearing the bodily abuse that your phony niggas making me produce. Warfare put to use. Fuck all that, just turn me loose. Huh. And this is for those that don't know the half. I wanna see just how well you know your math. Now, in case a nigga wanna get out of line, just tell me how many times the 16 go into 9. See, a lot of your rappers like the fun as if you're ruthless. But when I'm around, you make all kind of excuses. Like, I just remember Joe, my niece need diapers, kid. Plus, I got homework, Bible study, all types of shit. Booyaka, ain't it fucking true, you know? King Asiatic, tell me what we're gonna do with ya. One more thing, the next example, one of your niggas is about to be it. Now close your eyes tight, cause trust me, you don't wanna see it. Party people in this here spot, you better get on up, cause it's time to rock. I wanna have a little time and in a bit I wrote a hit. I need to put it out and let it emanate. I'm molded every letter, got a bending like a centipede. A remedy, an enemy, a man, I'm in a mini-me. Started becoming animated when the money made it. Dominated, man, I hate it, but I'm running unabated. And I'm rhyming up a pen, I'm rhyming in a gig. In any line, I'm bringing any man that I'm in, you can dig it. When I'm handling a crowd, then I stand up in a bow. Got them damning like the Panama Canal. Second to none, the second I'm done. Exhaling every breath that I get in my lung. And you can take it like a rhythm in a rhythm in adrenaline. Disseminating lingo, then I'm bringing in a synonym. And many men and women tend to bend to do the minimum. I get them on my pen and then I win and then I win again. Andy Cooper coming out of the blue like a boy named Sue saying, how do you do? I got a beat that's like bare feet on concrete. Ha! Burning out of Long Beach all the way to Zaire. I don't wanna lie here. When I get an idea, put it into high gear and ram along. I'm on a beaker roll, but I'm a bag of moment. I get on to do another show. No quitting me. Never had enough. Flow with a beat like an aqueduct. So quickly. Let my rapper rub, no diggity. I got to bag it up. Pump a time bomb, taking the blood with the get up and go to the little middle. Make the ring, the rig of my roll. On the rhyme, on the stack, on my live, in the wreck, on the vibe, in the fake. Better dive on the deck. Ready to roll, you wanna get the party going, anybody let me know. Cause I'm a bad man with a hammer and the mic. You need to come and see me rip it to the end of the night. You wanna rock, rock, out of control. With everybody going at it when I put it on the show. I've been waiting on the side for my moment to revive. Never rockin' with my people and you know we gonna fly. Given if you want a disc, cause I audibly gotta be on the front of any list when I hit him like throw on my jab, and I'm dazed by the phrase that I wrote on my pad, coming with a right. I'm gonna knock you out, I keep bringing the pain to the end of the bout. My lips are the lighter, igniting the wick that I lit when I spit all the fire. And there can never be another imitating me when I kick an analytical and hit it, baby D. I'm light skinned, enigmatic, and I never get erratic in a lab. I take it in the cinematic when I'm at it. I can take a bit of predicate to whip it into shipping and integrate a group on a ventilator. At any rate, I got him on the ropes in a day, hey. Stoked in a maze that I broke from the cage. Go. Talking really fast, so your hair's pulled back like a rockabilly cat. Take cover, shoot from the hips. Make a wave like a lunar eclipse. I'll attack till you're black and your blue is the crisp. Dude, top 10 for coup in the mix. I come through with a head of steam. Designing a rhyming scheme. Mr. Bravado, aficionado. Grip on the mic that'll rip like a throttle. Fast on the rap, that's on and on. Fast like driving on an Autobahn. Qu'est-ce que vous en dites de ce petit Andy Cooper? Ça dépote toujours. Ah, mais il change de micro. Je change de micro comme ça, c'est pour comme compliquer ça, la tâche. Voilà, tout à fait. En tout cas, ouais, bah Andy Cooper, ça rappe, hein, ça rappe vite. Andy Cooper sur un Jorun Bombay, c'est ça? Non, c'est Andy Cooper sur le producteur anglais The Allergies. Exact. Qui arrive avec un petit album, et là, ils ont sorti chez. Jalapeno. Un album qui va arriver, là, ils ont sorti le petit 45. Très le bien. Morceau Rock Rock. J'ai l'impression qu'Andy Cooper s'installe bien en Europe. Tout à fait. Et puis il y a Dusty là qui vient de sortir un petit titre en gratuit là il y a deux jours. Donc Je sais pas si l'aventure Clean Docking est terminée, mais en tout cas, chacun fait des trucs de son côté. D'accord, ils ont de l'actu en tout cas. Voilà, puis juste avant, on s'est écouté donc un truc, on va dire, allez, c'est une grosse, grosse exclusivité. J'ai eu la chance de gagner ce 45 tours en exclusivité, il doit être attiré à 30 exemplaires. C'est un edit de monsieur donc Jaron Bombay. Le morceau, c'est de Symphony. Donc un mélange de comment ça s'appelle de Symphony, le morceau du Juice Crew, et puis un autre morceau qui était je pense de Frocky Cutlass qui s'appelait The Cypher. Donc voilà. Frocky Cutlass, le portoricain. Tout à fait. Très bien. je crois qu'on est trop dans la précision peut-être, mais quel plaisir les amis de se faire une antichambre au complet. Merci à tous les auditeurs auditrices d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris plaisir. C'est déjà fini, c'est court, ça va vite, hein ? Ça va vite. Il doit rester quelques minutes. On va terminer peut-être par quelques instrus. On va terminer avec un edit de Jaron Bombay d'un morceau qui s'appelle Jungle Boogie des Kool & The Gang qu'il a appelé Concrete Boogie. Parfait. C'est le bonus de l'oncle Ben pour clôturer cette émission. Bah merci à tous vraiment d'être venus dans les studios. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire ça. Et puis bah rendez-vous la semaine prochaine, 21h, jeudi, sur le 105.9. Il y aura moins de monde, mais ça sera tout aussi intensif et efficace. Bonne soirée à tous. Salut. Let it flow. The genuine GLK.